nécessaire de courir pour se plier à point. Rien ne sert de gémir, plutôt serrer les poings, les mâchoires comme anabolisées, à force de les serrer. Passer à l'écarissage, oh, c'est dommage à mon âge.